Mot interrogatif, quand, à quel, en quel. Example questions. Quand prenez-vous l'autobus? Quand est-ce que vous prenez l'autobus? À quelle heure arrivez-vous au bureau? En quelle saison fait-on la déclaration d'impôts?